Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Leonarda, ou comment l'expulsion d'une jeune collégienne vers le Kosovo a donné lieu à une crise politique au sein du gouvernement sous François Hollande. En octobre 2013, Leonarda Dibrani, 15 ans, est interpellée lors d'une sortie scolaire, avant d'être contrainte de quitter la France avec sa famille, Rome, en situation irrégulière. Une expulsion parmi d'autres, mais celle-là va connaître un retentissement médiatique tonitruant. Pendant 8 jours, l'affaire occupe les médias français et agite le monde politique. Une semaine de buzz, dont François Hollande, déjà désigné comme le président le plus impopulaire de la Ve République à l'époque, se serait bien passé. Écartelé entre la fermeté incarnée par son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et l'humanisme dont se revendique traditionnellement la gauche, le président Hollande va devoir choisir, avec l'intention de ne fâcher personne, ce qui déclenchera la colère de tout le monde, à gauche comme à droite. L'affaire Leonarda, une semaine de saga médiatique et politique. Notre invité aujourd'hui, Morgane Garofaret, docteur de l'Institut français de géopolitique de Paris 8, actuellement coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire au lycée Camille Claudel de Caen. Elle est l'autrice du livre intitulé « Les Roms, une nation en devenir », point d'interrogation, c'est important, aux éditions Sileps. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'ANA, l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. De la famille Dibrani, on ne sait rien, ou si peu. Le père, Rezat Dibrani, a grandi au Kosovo avant d'arriver en 2004 en Italie, où il a rencontré sa femme, Rome, elle aussi, Jemila. Le couple a 6 enfants. En janvier 2009, la famille arrive en France, à Orléans, après avoir également résidé en Serbie, en Croatie et en Espagne. La petite Leonarda, 11 ans, dort dans la rue avec ses parents et ses frères et sœurs, jusqu'à ce que le centre d'accueil des demandeurs d'asile, le CADA, les héberge dans un appartement à Levier, près de Besançon. L'enfant est scolarisé, elle apprend le français et les parents, eux, survivent grâce à des aides de la mairie et aux 311 euros par mois auxquels ont droit tous les demandeurs d'asile hébergés par le CADA. Car Jemila et Rezat Dibrani ont déposé une demande de droit d'asile à l'Office français de protection des réfugiés des apatrides. Mais en août 2009, l'OFPRA considère qu'ils ne subissent aucune persécution dans leur pays d'origine, le Kosovo, et rejette donc leur requête. C'est alors vers la Cour nationale du droit d'asile que la famille se tourne, avant d'être déboutée à 2 reprises, en janvier 2011, puis en avril 2012, décision confirmée en 2013 par la Cour administrative d'appel de Nancy. Après 4 ans sur le territoire français, la famille a épuisé tous les recours possibles. Légalement, elle doit repartir au Kosovo. Mais les parents de Leonarda refusent la prime au départ de 8500 euros que leur propose l'État français, et décident de rester à Levier avec leurs 6 enfants, malgré l'obligation de quitter le territoire qui leur a été signifié. Fin août 2013, Rezat Dibrani, le père de la famille, est interpellé à Mulhouse, où il était en déplacement et renvoyé au Kosovo après un séjour dans un centre de rétention administrative. Jemila, la mère, est alors assignée à résidence dans l'attente de son expulsion prochaine. Le 9 octobre 2013, 1 mois et demi après son mari, elle est interpellée avec 5 de ses 6 enfants au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Levier. 5, en effet, et non pas 6. Car Leonarda, 15 ans, en classe de 3e au collège André Malraux de Pontarlier, a passé la nuit chez une amie. Au petit matin, elle a pris place avec le reste de ses camarades dans un bus qui doit les mener à Sochaux pour une sortie scolaire. Elle raconte. J'étais en sortie avec le collège et on devait aller visiter l'usine de Peugeot à Sochaux. Et à 7h30, l'ancien maire de Levier m'a appelé et il m'a demandé où j'étais. Je suis allée ramener mon téléphone à la prof, elle a parlé avec elle. On s'est arrêté au collège au lycée Aubrac à Pontarlier. Je suis descendue du bus avec la prof. J'étais dans les bras de la prof en train de pleurer. Je sais pas, ça avait mal au cœur d'abandonner mes amis, l'école, tout le monde. J'avais honte aussi parce que il y avait la police qui est venue et avec les camarades qui me demandent pourquoi la police, qu'est-ce qui t'a fait, t'as volé. Moi, je dis non, je peux pas vous répondre maintenant. Parce que la police qui me disait, on n'a pas le temps, il faut y aller. Le 9 octobre 2013, Leonardo Dibrani, 15 ans, sa mère et ses 5 frères et sœurs sont expulsés vers le Kosovo où ils rejoignent leur père. Cinq jours plus tard, le 14, les enseignants du collège de Leonarda et ceux du lycée de sa grande sœur, Maria, publient une lettre sur le blog du réseau Éducation sans frontières, hébergé par Mediapart. Ils dénoncent l'interpellation de la jeune collégienne en pleine sortie scolaire. À quelques mois des scrutins municipaux et européens, alors que la question des Roms occupe le débat public depuis plusieurs semaines, cette lettre va attirer l'attention des médias qui relaient l'information. C'est le début d'une polémique aux conséquences inattendues. Les réactions, en effet, ne se font pas attendre, tant du côté des associations que des politiques. Ce qui choque, y compris dans les rangs du Parti Socialiste au pouvoir, c'est non seulement qu'en droit français, un mineur en situation irrégulière ne peut pas être expulsé, mais de surcroît, l'interpellation a eu lieu au milieu scolaire. Le 16 octobre, le député socialiste du Nord, Bernard Roman, revendique publiquement ce qu'il appelle un devoir d'insurrection. « Aller chercher un enfant en milieu scolaire, affirme-t-il devant les journalistes, ce n'est pas une expulsion, c'est une rafle. » Plus mesuré, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation de François Hollande, regrette lui aussi la méthode. « Il y a des règles de droit, et puis il y a des principes qui sont ceux de la France et ceux de l'école. Une sortie scolaire, c'est de la scolarité. Et notre règle, c'est qu'on n'intervienne pas lorsqu'il y a scolarité. Je demande donc qu'on sanctuarise l'école. » On garde nos principes de droit et nos principes d'humanité. Sanctuariser l'école, ce sont les mots du ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, bien dans son rôle. Et dès le lendemain de l'interpellation de Leonarda, c'est cette même école qui va descendre dans la rue. Jeudi 17 octobre 2013, à l'appel de syndicats étudiants, 24 lycées sont bloqués à Paris pour dénoncer l'expulsion de Leonarda Dibrani et de Katchi Kachatrian, un jeune arménien de 19 ans, élève en CAP dans le 18e arrondissement. Dès le lendemain, la mobilisation s'étend au pays tout entier. Nantes, Marseille, Toulouse. Plusieurs milliers de jeunes défilent pour réclamer le retour de Leonarda et de Katchi et plus généralement l'interdiction des interpellations d'étudiants sans papier au sein des établissements. Tandis que les sondages ne cessent de souligner la montée des idées de Marine Le Pen et une certaine tendance des Français à se replier sur eux-mêmes, la jeunesse descend dans la rue pour défendre ses semblables, comme à Rouen, par exemple. Reportage de France 3 Normandie. L'entrée du lycée de la Vallée du Cailly est bloquée par 200 lycéens très remontés contre le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Ils protestent contre l'expulsion de deux collégiens sans titre de séjour. L'adolescente rome Leonarda, expulsée au Kosovo, et le jeune Takchik, reconduit en Arménie. Ils étaient scolarisés depuis 3 et 4 ans en France, et ils étaient là pour réussir. Alors que dans leur pays, ils peuvent pas, ils n'ont pas accès à une telle éducation. Qu'est-ce que vous réclamez ? On réclame qu'ils reviennent, on réclame qu'ils aient le droit de revenir. C'est surtout la façon dont ça s'est fait en fait, qu'ils aillent la chercher directement comme ça devant tous ses camarades. Il y a des manières moins radicales on va dire déjà, c'est vraiment un manque de respect en fait. Les autorités parlent d'un mouvement à fleur de peau de jeunes qui ont le cœur sur la main. N'empêche, l'exécutif voit arriver avec soulagement les vacances scolaires pour calmer les ardeurs des lycéens. Le gouvernement, qui comme tous les gouvernements craint les mobilisations étudiantes, regarde ces manifestations avec l'espoir qu'elles ne soient qu'un feu de paille. Le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui a appelé à la sanctuarisation de l'école, demande maintenant et publiquement aux lycéens de rentrer dans les classes. À gauche, les partis d'opposition apportent eux leur soutien aux lycéens. Nos jeunes donnent un cours d'éducation civique appliquée et Manuel Valls doit démissionner, réclame par exemple Jean-Luc Mélenchon. Si la responsabilité de l'interpellation de Leonarda est imputée à Manuel Valls, c'est parce qu'il est ministre de l'Intérieur de François Hollande, mais aussi, sans doute, en raison de ses propos sur les Roms, qui, selon lui, ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Car leur mode de vie empêche leur intégration, avait-il affirmé sur France Inter quelques jours avant l'expulsion des Librani au Kosovo. Des propos qui lui vaudront d'être poursuivis pour discrimination raciale et qui incarnent à coup de menton la fermeté dont se targue le ministre de l'Intérieur en matière d'immigration. Fermeté, oui, mais aussi humanité. Une formule déjà utilisée en août 2012 par le gouvernement socialiste pour parler de l'évacuation des campements de Roms et que Manuel Valls va reprendre à son compte en ce mois d'octobre 2013. critiqué au sein même de son parti, le ministre de l'Intérieur se sent l'obligation de le rappeler au lendemain de l'affaire Leonarda, il est de gauche. La gauche, c'est le respect de l'enceinte scolaire, bien évidemment, c'est le respect des personnes, et mener une politique d'immigration, vous le savez bien ici, nécessite beaucoup de fermeté, le respect de la loi et du droit, et le respect des personnes. Pour un ministre de l'Intérieur, homme de gauche, socialiste, l'homme, il est au corps de tout. Mais la gauche et la République, c'est aussi le respect de la loi. Ainsi, les lycéens manifestent, tandis que Manuel Valls hésite entre sa gauche et sa droite, une seconde nature chez les socialistes au pouvoir, dernière version. En ce mois d'octobre 2013, les journalistes sont à Mitrovica, au Kosovo, où y vivent désormais les Dibrani. Au lendemain de la médiatisation de l'affaire, Leonarda et sa famille sont assaillis par la presse, avec qui cette famille d'ailleurs entretient des rapports, disons, d'attirance-répulsion. Des journalistes français, mais pas seulement, les Italiens du Corriere della Sera ou les Espagnols de El País suivent eux aussi l'affaire de près. 8 jours après l'expulsion des Dibrani, la machine médiatique s'emballe pour de bon. D'abord méfiante, la famille finit par s'habituer à l'indiscrétion des journalistes qui toquent chez elle à toute heure de la journée, consciente que cette médiatisation soudaine pourrait bien lui servir. Leonarda, 15 ans, à la fois insouciante et concernée, joue volontiers le jeu des interviews et répète sans relâche sa volonté de revenir étudier en France. Alors, à chaque rédaction son reportage, son témoignage, son interview, Leonarda, son père, sa mère, la copine française, l'avocate, le travailleur social, l'expert, le spécialiste. Ce 17 octobre, les journalistes cherchent le scoop. Et c'est le père de Leonarda, Rezat Dibrani, qui va le leur servir sur un plateau. Face aux caméras qui le sollicitent, il avoue, il a menti sur les origines kosovares de sa famille. Reportage à Mitrovica de Géraldine Allot. Pour France Inter. Eh bien, la famille Dibrani a trompé tout le monde pendant des années. Sa demande d'asile en France est basée sur un mensonge et des faux papiers. Non, cette famille rome ne vient pas du Kosovo. Les enfants sont nés en Italie, tout comme la maman Djemilaj. Seul le père Rezat est né ici, à Mitrovica. Hier soir, après avoir donné plusieurs versions tout au long de la journée, Rezat Dibrani a avoué son mensonge. Il s'exprime dans un mélange de français et d'albanais. Est-ce que vous avez menti aux autorités françaises ? Oui. Et en fait, vos enfants sont nés en Italie. Même ma femme, tout le monde. Où est-ce qu'ils sont nés, vos enfants ? En Italie, à Fano. En fait, vous avez dit que vos enfants étaient nés au Kosovo pour obtenir l'asile plus facilement. Oui, c'est normal. J'ai aussi donné un faux certificat de mariage que j'ai acheté 50 euros en France. À Paris ? Ah oui, tout le monde fait tout ça. Le monde les gagne. Et à la France, elle est donnée. La France accepte souvent des gens qui ont donné de faux papiers. Le père de Leonarda va ainsi focaliser l'attention des journalistes qui découvrent rapidement la mauvaise réputation qui le suit en France. Non seulement Rezat Dibrani a menti aux autorités françaises pour obtenir le statut de réfugié, en vain d'ailleurs, mais il serait de plus un homme nerveux, irascible et même violent. Sa femme et ses deux filles aînées, Leonarda et Maria, auraient porté plainte contre lui en France suite à des coups. Des faits que Leonarda minimise a posteriori depuis le Kosovo, mais que les travailleurs sociaux qui l'accompagnaient en France confirment. D'autres informations plus ou moins vérifiées vont fixer le regard des médias sur la malhonnêteté supposée des Dibrani. Les parents qui ne travaillent pas auraient par le passé envoyé leurs enfants mendier. Quant à Leonarda, elle manquait beaucoup les cours. Bref, violent et peu honnête, les Dibrani collent au cliché sur les Roms. Ultime outil médiatique. Les sondages parlent. Dès le 18 octobre 2013, une enquête BVA pour iTélé Le Parisien rapporte que 65% des Français se déclareraient opposés au retour de Leonarda. La médiatisation de l'affaire, contrairement à ce qu'espéraient la jeune fille et ses parents, n'a pas servi leur cause. C'est ce que regrette également Noël Loder, responsable local de Réseau Éducation Sans Frontières à Besançon. Le buzz médiatique fait illusion, hein. On a l'impression que ça y est, le problème, la question est réglée parce que tout le monde en parle. Mais qui en parle, au fond ? C'est les médias. Et de quoi parlent les médias ? Pas forcément de choses qui vont dans le bon sens, hein, qui vont dans le sens des intérêts de la famille. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qui s'est répandu sur le contenu du dossier d'asile, sur les prétendus mensonges de M. Dibrani, bon, ça va pas forcément dans le sens de pousser les gens à descendre dans la rue pour dire oui, que Leonarda et ses frères et sœurs aient été expulsés. C'est un scandale qu'on les ait arrachés arracher de l'école, c'est un scandale, et il faut qu'ils reviennent. Bon, on n'en est pas encore là. Construire une mobilisation, nous, on sait bien que ça ne se fait pas en un claquement de doigts et de coups médiatiques, quoi. C'est pas ça qui fait les mobilisations. J'ai les sourcils qui froncent sans cesse, le ventre qui brûle, les nerfs qui contractent ma face. Tu croyais m'abattre? C'est raté, sache que la provocation ne m'a jamais épatée. Il y a peu, je me tairais, me taisant face à la terreur trouble qui me terrassait. J'irais dans l'erreur trop éreintée pour y voir clair, laissant mes efforts se défenestrer sans dire au revoir. Le dégoût, cramponné au basket, les dégâts qui chantonnent à tue-tête. Été froid, hiver brûlant, ne sens-tu pas le dérèglement? Été froid, hiver brûlant, j'ai besoin d'une avalanche de mots braves, détonnants, en couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, en couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des milliers à feindre l'assurance pour éviter de s'entailler. Et toi, misérable, minuscule, petit personnage qui mise à sa vie sur les prises d'otages des âmes de tous ceux qu'il est censé aimer. Aucune valeur, vilain voleur, croyant s'élever en dévalisant les vallées qui plus tard l'avaleront. Été froid, hiver brûlant, j'ai besoin d'une avalanche. De mots graves, détonnants, en couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, en couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, en couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, en couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des souvenirs en brille qui narguent mon présent découpant. L'avenir à vif en tas de marques oppressantes. Et dans la nuit qui dure, j'ai vu clair dans ton jeu. Mais l'espoir que tu censures restera fier à jamais. D'étranges fumées sortent de nos cœurs qui souffrent, de nos corps qui toussent, de nos propos qui se troublent. Ma nervosité m'écorche, pire, elle m'accable. Je n'ai plus peur de rien, je peux même te faire la danse macabre. Le 19 octobre 2013, 10 jours après l'expulsion de Leonarda Dibrani, l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration, publie un rapport à la demande du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, afin d'estimer la légalité de l'expulsion de la collégienne. Une fois que la jeune fille est descendue du bus, sans violence physique, rapporte le document, la procédure s'est déroulée à l'abri des regards dans la cour d'une école de Pontarlier. Une arrestation conforme à la loi, estime le rédacteur, qui mentionne cependant le manque de discernement nécessaire des forces de l'ordre. Manque de discernement, c'est sans doute une façon d'admettre que 10 militaires armés et 3 policiers lors d'une sortie scolaire, cela peut être traumatisant tout de même. Dans une seconde partie, le rapport de l'IGA met en évidence les raisons du refus d'admission au séjour de la famille Dibrani. Les rapporteurs soulignent clairement le manque d'une réelle volonté d'intégration de la part des parents de Leonarda et en particulier du père. Logement dégradé, refus de proposition d'embauche, insultes aux travailleurs sociaux, absence répétée des enfants à l'école. La famille Dibrani, rapporte l'enquête, n'est pas engagée dans un processus d'intégration. La famille ou le père, on ne sait pas très bien, puisqu'il est mentionné que Leonarda, elle, montrait en revanche sa volonté de s'intégrer et faisait des progrès au collège. Le soir même de la publication du rapport, à la surprise générale, c'est le président Hollande lui-même qui va rendre publiques les conclusions de l'IGA. L'enquête confirme qu'aucune règle de droit n'a été enfreinte dans l'examen de la situation de la famille de Leonarda et pas davantage dans la décision de mettre en œuvre l'obligation de quitter le territoire. Mais l'enquête indique aussi que l'interpellation de la collégienne s'est déroulée à l'occasion d'une sortie scolaire. C'est une infraction par rapport à ce que l'on peut penser être la possibilité d'interpeller une enfant. Il n'y a donc pas eu de faute. Et de ce point de vue, la loi a été parfaitement respectée. Mais il y a eu un manque de discernement dans l'exécution de l'opération. Leonarda, si elle en fait la demande compte tenu des circonstances et qu'elle veut poursuivre sa scolarité en France, un accueil lui sera réservé, et à elle seule. Par rapport à ce que l'on peut penser être... À Mitrovica, au Kosovo, Leonarda et ses parents écoutent l'allocution télévisée du président français sur le téléphone portable d'un journaliste et devant des caméras télé. Pour la jeune fille qui espérait pouvoir reprendre sa scolarité en France et dont les valises sont déjà prêtes, la décision de François Hollande est une immense déception. Certes, elle peut revenir, si elle le souhaite, mais seule. Sa sœur aînée, Maria, 16 ans, ancienne élève en lycée professionnel, et le reste de sa famille devront, eux, rester au Kosovo. Une fois le choc passé, Leonarda va sécher ses larmes et répondre aux journalistes présents chez elle aux côtés de son père. Je remercie M. Hollande, mais sans mes parents, non. Merci, Parce que c'est grave, je ne peux pas me débrouiller toute seule, moi. J'ai à peine 15 ans, je ne peux pas me débrouiller toute seule. Et maintenant, pour faire calmer la France, vous allez tourner sur la demande à Leonarda. Mais à la famille, où, Monsieur le Président? Même vous êtes un père. Même vous avez les enfants. Moi, je ne comprends pas comment est possible que vous, un père, un président comme ça intelligent, que vous pouvez dire une chose comme ça publiquement. À Mitrovica, au Kosovo, les journalistes français font leurs valises et laissent derrière eux les Librani de faire les leurs. La famille de Leonarda ne rentrera donc pas en France et peu à peu, elle sera oubliée des médias. Mais l'expulsion hyper médiatisée façon télé-réalité laisse place à une saga politique. Car à Paris, les regards sont désormais rivés sur le président François Hollande, au cœur d'une nouvelle polémique. Son allocution télévisée interroge, elle dérange même. Ce n'est pas tant la décision d'autoriser Leonarda à revenir en France qui déplaît à certains, mais la façon dont on le lui propose. Le président de la République estime par exemple François Bayrou et Jean-François Copé à abaisser la fonction présidentielle en s'emparant de ce dossier et en laissant à la jeune collégienne la possibilité de lui répondre directement par caméra interposée. La France ne peut pas dialoguer d'égal à égal avec Leonarda Librani, 15 ans, s'insurge-t-il. Le non catégorique de la jeune fille, diffusé sur toutes les chaînes d'info, est vécu par certains comme la preuve du manque d'autorité de ce président décidément trop normal. D'autres, comme Bruno Le Maire, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, reprochent également à François Hollande d'être allé à l'encontre de la loi, bafouant ainsi les institutions françaises et l'équilibre des pouvoirs, comme en témoigne la revue de presse de Patrick Boyer sur France Inter. La presse, ce lundi, juge sévèrement l'allocution télévisée du président de la République, samedi à 13h. Ce jugement de Salomon dans l'affaire Leonarda ne satisfait personne, ni à gauche. L'humanité reproche à François Hollande d'avoir voulu piéger un enfant en lui donnant à choisir entre la France et sa famille. Ni à droite, Le Figaro évoque le fiasco d'une intervention solennelle motivée par le souci d'enrayer la colère d'une poignée de lycéens et qui, à l'arrivée, ne satisfait même pas le premier secrétaire du Parti Socialiste. Marine Le Pen, à qui France 2 demandait ce matin si Manuel Valls, désavoué, devait démissionner, a répondu « Si quelqu'un doit démissionner, c'est plutôt le président de la République qui a humilié la France ». Alors le Parti Socialiste a maintenant fort à faire pour colmater les brèches, surtout depuis qu'Harlem Désir a réclamé ce week-end le retour en France de toute la famille Librani. Si à droite on reproche unanimement à François Hollande sa demi-mesure, son indécision, son manque de poigne, à gauche les avis divergent. Officiellement, le gouvernement salue l'esprit de synthèse de François Hollande. L'inflexibilité, certes, mais avec le cœur sur la main. Mais tandis que Manuel Valls applaudit un acte de générosité, au sein même de la majorité des voix s'élèvent. Dans un communiqué, Europe Écologie Les Verts dénonce, je cite, « les politiques sécuritaires et répressives de nos gouvernements successifs » et réclame le retour de toute la famille Librani. François Hollande s'est montré inhumain, accuse Les Verts, ainsi que les associations France Terre d'Asile, Réseau Éducation Sans Frontières ou La Voix des Roms. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Harlem Désir, regrette lui aussi que la mère et les sœurs de Leonarda ne puissent pas revenir avec elle en France. Tandis que le député socialiste Malek Boutik reproche au président, je le cite lui aussi, de décider de tout et pour tout de la politique économique, du sort d'une lycéenne, d'une famille. Le Parti Socialiste se divise peu à peu. Il y a ceux qui soutiennent la décision de François Hollande, Leonarda oui, mais seul, et ceux qui auraient préféré que l'humanité prenne le dessus sur la fermeté. Chacun estimant représenter la gauche, la vraie, plus ou moins humaine, plus ou moins ferme, c'est selon. En résumé, ça sent le roussi au PS, comme l'analyse le politologue Laurent Bouvet au micro de Marc Voinchet sur France Culture. C'est un lieu de pluralisme, le Parti Socialiste. Il faut bien comprendre ça. Donc, il y a toujours eu des gens extrêmement divers. Simplement, la question, c'est comment on tranche les différents. La responsabilité de François Hollande, et il en subit les conséquences, il subit les conséquences comme président de ce qu'il a fait, pas seul, mais de ce qu'il a fait comme premier secrétaire, comme chef de la famille socialiste pendant 10 ans après 2002. Qu'on lui attribuait comme une qualité, la synthèse. Et qui aujourd'hui est une conséquence extrêmement négative, comme on le voit. C'est de ne pas avoir mis en place les moyens de trancher. Pas qu'on lui dise à lui, tu décides de ça ou ça, et Mélenchon a raison quand il dit, on n'est pas dans une monarchie, etc. Mais qu'il mette en place et qu'il accepte que des questions sur l'immigration, sur l'économie, sur l'Europe, soient tranchées. Selon certains commentateurs, l'affaire Leonarda donne à voir l'incapacité du Parti Socialiste à trancher en matière d'immigration. Une incapacité que confirme le report incessant depuis plusieurs mois du projet de loi sur l'immigration et l'asile annoncé par le gouvernement. Après son élection en mai 2012, rappelons-le, François Hollande avait promis droit de vote des étrangers aux élections locales, réduction des délais de traitement des dossiers sur le droit d'asile, interdiction de la rétention des enfants dans les centres. Alors que se termine l'affaire Leonarda, un an et demi après l'élection présidentielle, ses promesses de changement semblent encore l'être mortes. Comme si le président et son parti ne parvenaient pas à affronter cette question si sensible, si clivante de l'immigration, que la jeune Leonarda, malgré elle, est venue révéler au grand jour. Le 22 octobre, 2 jours après l'allocution télévisée de François Hollande, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui tente de recoller les morceaux au Parti Socialiste. Reportage de Cyril Graziani à l'Assemblée. Programme surchargé pour Jean-Marc Ayrault. Petit déjeuner avec les poids lourds de la majorité, tête à tête avec Harlem Désir, réunion avec les députés et entretien en ce moment avec Manuel Valls, le Premier ministre qui, à son arrivée à l'Assemblée nationale, a réitéré le message qu'il a passé hier. J'ai, comme la semaine dernière, parlé avec les députés socialistes, parce que ce qui est important, c'est de se rassembler, car les Français attendent de nous d'être exemplaires pour réussir la politique que nous avons engagée. Et vous savez très bien que la politique, c'est d'abord la politique de la croissance et la politique de l'emploi. On tente donc de resserrer les rangs. La majorité en a bien besoin, mais certains, comme Malek Boutine, n'attendaient pas grand-chose de cette réunion. Ah bah rien, on va se faire gronder, puis voilà. Puis la vie va continuer, les problèmes politiques vont perdurer, à mon avis. La tentation d'un pouvoir politique quand il est en difficulté, dans son propre camp, quand les gens posent des questions qui sont que ce que les électeurs demandent, c'est de demander de la discipline. Tout le monde en randonnion, voilà. Puis on verra qui va être discipliné et qui ne le sera pas. Malaise chez les députés socialistes après l'appel à la sérénité du Premier ministre. 4 ans avant les défections en série qui frapperont le PS, les rangs semblent déjà se desserrer. Le 23 octobre 2013, la porte-parole du gouvernement Najat Vallaud-Belkacem tente de mettre un point final à cette affaire Leonarda qui enquiquine le pouvoir. 2 semaines après l'expulsion critiquée de la collégienne, le gouvernement veut passer à autre chose. « Non, nous n'avons pas évoqué le sujet en Conseil des ministres ce matin », affirme la porte-parole à la presse. « Et je crois qu'on peut définitivement considérer que l'affaire est derrière nous. » Point final. Ou 3 petits points, c'est pas très bien. Car l'expulsion de Leonarda ne serait sans doute pas sans conséquence sur le mandat de François Hollande et sur la politique de son gouvernement. Dans les semaines qui suivent, la popularité de Manuel Valls se renforce aux dépens du président de la République. En novembre 2013, François Hollande, déjà bien bas dans les sondages, tombe à 26% d'opinion favorable, soit la plus faible cote jamais atteinte par un président sous la Ve République. Pour Gaël Sliman, le directeur de la société d'études BVA Opinion, la cause de cette chute est très claire. Leonarda, on peut dire Leonarda, vous l'avez rappelé il y a un instant, c'est un niveau record. En 32 années de mesure, on n'avait jamais vu un président tomber en dessous des 30, on est à 26. Et quand on regarde le avant-après affaire Leonarda, eh bien on mesure combien François Hollande a perdu du terrain. Et si on peut penser que l'affaire Leonarda a joué ce rôle, eh c'est aussi parce qu'il, en même temps que le président chutait avec son Premier ministre aussi, on a vu s'envoler dans notre baromètre Manuel Valls, qui incarnait une ligne assez différente, on va dire, et qui, lui, a gagné 8 points. Il tranche, il a de l'autorité. Ça lui permet aujourd'hui de réaliser la performance d'être aussi populaire auprès des sympathisants de droite qu'auprès des sympathisants de gauche. C'est assez inédit. Cinq mois après la fin du buzz médiatique et politique autour de l'expulsion de Leonarda Dibrani, Manuel Valls est promu Premier ministre. Plus populaire que son président et plus ferme que lui, pour reprendre un élément de langage cher au Parti socialiste, il s'éloigne peu à peu de cette autre gauche, celle qui aux muscles préfère le cœur. À gauche donc, virage à droite. François Hollande, lui, ne peut que contempler le fiasco de son numéro d'équilibriste. Il a échoué à faire l'arbitre là où son parti n'était jamais parvenu à trancher. Et il n'a pu qu'attirer l'attention des médias sur le manque d'autorité réelle ou supposée qu'on lui accole. Leonarda Dibrani, elle, redevient régulièrement et très brièvement l'objet de convoitises médiatiques. À l'occasion de son recours en annulation du refus de titre de séjour de sa famille en 2014 et en 2015, puis à la faveur de journalistes curieux qui viennent prendre des nouvelles. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 22 ans, vivrait en Croatie, où elle serait mariée après avoir été diplômée en hôtellerie. François Hollande a gâché ma vie, dit-elle, sans détour. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Leonarda. Notre invitée, Morgane Garofaré. Bonjour. Bonjour. Docteur de l'Institut français de géopolitique de Paris 8. Vous êtes actuellement coordinatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire au lycée Camille Claudel de Caen. Et vous êtes l'autrice du livre intitulé « Les Roms, une nation en devenir » avec un point d'interrogation aux éditions Sileps. Et vous êtes dans les studios de France Bleu à Caen. D'abord, que vous avez inspiré cette affaire Leonarda à l'époque, en 2013 ? À l'époque, beaucoup d'incompréhension. Parce que justement, enfin, ce que vous avez rappelé dans le reportage, un véritable sentiment de gâchis après l'investissement de part et d'autre de plus de 4 ans de l'État, que ce soit par la scolarisation de ses enfants et de part aussi de l'intégration quand même et de l'accompagnement social de ses familles. Mmh. Donc au-delà de Leonarda, c'est toute la problématique de l'accueil de ses familles. On investit pendant plus de 4 ans et après, quid de ce qu'ils deviennent? Voilà, donc moi, un sentiment de gâchis. On va en reparler bien sûr des Roms, de leur sort, de la façon dont on les accueille ou non. Mais encore quand même une question sur cet épisode précis de Leonarda. La réponse donnée par François Hollande, qui était d'une demi-mesure, hein, vous pouvez revenir, Leonarda, mais seul. Qu'est-ce que ça vous avait inspiré? Ben, ça m'a inspiré le fait que ça n'avait aucun intérêt. L'immigration rome, c'est toujours une immigration familiale. Donc ouais. Ça, depuis la nuit des temps, on peut pas demander à une jeune fille de choisir entre sa famille ou une réussite scolaire à l'école. Donc de toute façon, oui, c'est pour moi c'était incompréhensible. Et je pense qu'Harlem Désir avait raison à l'époque de demander le retour entièrement de la famille. Alors clarifions ce mot de Rome, justement, à l'origine de tant de confusion et de préjugés. D'abord et très simplement, que et qui désigne le mot Rome? Alors le rom, c'est déjà un endonyme de la langue romanie, ça veut dire homme, au sens de homme marié ou homme. C'est un terme qui est un terme de revendication politique, notamment de l'élite rom, pour généraliser l'ensemble des populations. Bien sûr, on a d'autres termes, comme le terme tzigane, qui est souvent employé notamment pour les chercheurs français, que moi je n'utilise pas, j'utilise le rom avec le double R, puisque c'est issu de leur langue, mais tzigane, le terme tzigane est un terme qui convient peut-être dans les pays européens, mais pas dans les pays de l'Est, puisqu'il est synonyme d'esclave, notamment en Roumanie, puisqu'ils ont subi dès le XIVe siècle l'esclavage. Voilà, mais les appellations, elles sont aussi, c'est une revendication politique de reconnaissance, et d'avoir un terme qui est endonyme, qui leur appartient et qui fait partie de la langue romanie, c'est un vrai cheval de bataille pour l'ensemble de l'élite rome. D'ailleurs, comment les populations concernées, les roms, se désignent-elles elles-mêmes comme roms? Qu'est-ce qu'elles disent? Alors, tout dépend de l'interlocuteur, c'est-à-dire que tout dépend où on se situe, c'est-à-dire moi je suis peut-être normande, bretonne, parisienne, tout dépend de mon interlocuteur, mais pour les roms c'est pareil. On peut être manouche, on peut être gitan, on peut être aussi gens du voyage, en fonction de qui nous interroge, mais on peut pas dire une gens du voyage ou un gens du voyage. Ce sont des appellations construites par l'administration française notamment. Donc voilà, tout dépend. On peut être manouche, on peut être sinti, on peut être homme. Voilà. Donc après, tout dépend de l'échelle sur laquelle on se situe et à qui on s'adresse. Alors, quand les Roms sont-ils arrivés en France? Cette immigration a commencé quand? Alors, normalement, ils seraient partis de Canaouch. Donc, je vous donne la référence de Marcel Courtial, qui a beaucoup écrit sur le départ de l'Inde à partir du XIe siècle pour les Roms. Ils seraient arrivés en France autour du XVe siècle. Donc, ils seraient installés dans l'ensemble des pays européens. Donc en France, on a encore des sauf-conduits, notamment du roi de Bohême. C'est pour ça qu'on les a appelés les bohémiens, puisqu'ils ont eu une sorte d'âge d'or, on va dire. Et quand ils sont arrivés en France, on les a catégorisés de bohémiens, puisqu'ils avaient ces sauf-conduits du roi de Bohême. Voilà. Donc la plupart de ceux qu'on connaît en France, entre guillemets, que l'appellation générique administrative parle de gens du voyage, sera arrivé dès le XVe siècle. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup de Roms sont français? À plus de 90%, étant donné que la France a instauré ce qu'on appelle dès 1912 le carnet anthropométrique, suivi dès 1969 du livret de circulation. Donc ce sont des papiers spécifiquement français qui ont toujours et accompagné finalement ce qu'on dit les gens du voyage aujourd'hui, ou les nomades auparavant. Alors est-ce que toutes ces populations ont une langue commune? Oui, la langue romanie, c'est ça. Qui est enseignée notamment à l'INALCO par Marcel Courtiade. Donc la langue romanie est une langue où il y a une grande bataille de l'élite rome, notamment de l'Union romanie internationale, pour la standardisation, puisque c'est un peuple de l'oral. Et donc maintenant, aujourd'hui, il y a eu un gros travail de fait par les linguistes pour standardiser cette langue. On va revenir sur l'histoire des Roms, selon l'appellation officielle actuelle en Europe et en France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers d'entre eux, de Tziganes, 300 000, 400 000, 500 000, selon les historiens, les chiffres ne convergent pas toujours, mais son voisin meurt dans les camps de la mort nazie. Il faudra attendre 1982 pour que l'Allemagne reconnaisse ce génocide. On le sait moins. Mais la France également a une part de responsabilité. Je vous propose d'écouter sur ce point François Hollande, une déclaration qui date d'octobre 2016. Ce jour est venu et il fallait que cette vérité fût dite au plus haut niveau de l'État. La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame. Alors, quel était le rôle de la France, précisément, dans ce génocide qu'on connaît peu, pourquoi d'ailleurs ? On le connaît peu parce que ça a été caché pendant de nombreuses années. Il a fallu attendre notamment un instituteur formidable qui s'appelle Jacques Sigaud, qui a justement recherché, fait des recherches nombreuses sur les camps d'internement qu'il y a eu en France, puisque c'est sous le gouvernement de Vichy que, et suite aussi, enfin, le fait qu'ils avaient des carnets anthropométriques enfin, les préfets ont demandé l'assignation des nomades, on les appelait nomades à l'époque, dans des camps d'internement. Jacques Sigaud a fait un gros travail justement de recherche qui montre qu'aujourd'hui, que ce soit à Poitiers, à Montreuil-Bellay, à Rennes ou à Salier en Provence, il y a eu énormément de camps d'internement. Mais c'est une histoire qu'on a oubliée. Et au lendemain de cette guerre, puisqu'ils sont restés dans les camps de 1939 à 1946, on peut regarder le film Liberté de Tony Gatliff qui retrace un peu cette histoire d'une famille qui est obligée de fuir et de s'enfermer. Il est vrai qu'il y a une participation importante de l'État de Vichy par rapport à l'internement des gens du voyage à l'époque. Jeanne Haddad, on va écouter Jeanne Haddad maintenant, Off My Back, et on reparle des Roms et des clichés qui existent encore aujourd'hui et qui ont la vie dure autour des Roms. Thank you. Jeannot sur France Inter. Of My Back, Morgan Garofare. On rappelle ce que disait Manuel Valls au Figaro. Les Roms ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays pour des raisons culturelles ou parce qu'ils sont entre les mains de réseaux versés dans la mendicité ou la prostitution. Manuel Valls déclarait cela au Figaro, donc quelques mois avant l'expulsion de Leonarda. Régulièrement en France, des hommes politiques tiennent publiquement ce genre de propos sur les populations roms. Est-ce qu'on peut parler de racisme culturel? Il y a un racisme, oui, on peut parler de racisme anti-rom, un racisme culturel. Une représentation très négative des Roms, souvent dans les politiques, hein, qui ne date pas de Monsieur Valls, et qui est liée aussi, donc je pense, à une discrimination quand même orchestrée depuis très longtemps. Notamment en France, il y a une amélioration puisque le Conseil d'État a quand même amélioré la situation, notamment des gens du voyage français, puisqu'avant ils devaient attendre 3 ans pour pouvoir voter, alors que nous c'est 6 mois. Donc tout ça, toutes ces lois discriminantes, notamment le carnet de circulation, il a fallu attendre 2017 pour qu'on enlève encore ces lois discriminantes. Ah oui, c'est donc forcément ça donne un contexte aussi de toujours avoir cette représentation négative du voleur de poules, du voleur d'enfants, et voilà. Alors vous savez ce qu'est un micro-trottoir, ça n'a pas de valeur de sondage. Si on recueille 6 ou 7 réactions, ça ne représente que 6 ou 7 réactions, mais c'est quand même intéressant, et voilà ce qu'on dit des Roms dans la rue. Pour d'autres riverains, la présence même des Roms est devenue insupportable. Cette habitante s'est mise à photographier tout ce qu'elle constate. Les Roumains qui sont de l'autre côté à la porte de Paris passent sur le trottoir matin et soir, 2-3 fois dans la journée. Alors là, vous en voyez une qui arrive juste au bout de la piste cyclable. Et là, vous avez un piéton. Et là, il klaxonne. Donc, il faut pour dire que nous, on parte. On dégage, qu'on laisse la place à la voiture. Beaucoup d'habitants parlent d'une délinquance en hausse depuis l'installation des camps. Impossible d'obtenir des chiffres auprès des autorités. Mais dans le supermarché le plus proche, le vigile accuse les Roms. Au niveau des parkings, ils cassent toutes les voitures. Ce qui fait que les clients ont du mal de garer leur voiture au niveau du parking. Ils prennent tout, GPS, les valises, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Comment vous savez que c'est les Roms qui font ça? Il y a une caméra de surveillance partout, il y a la vidéo surveillance. On voit tout ce qui se passe, mais on ne peut rien. Alors n'y a-t-il pas, en ce qui concerne les Roms, une confusion entre une culture et une situation sociale, en l'occurrence celle de la précarité? Oui, il y a une confusion, parce que quand on se déplace pour aller voir le cirque Romanèche ou qu'on va voir Antonio de Canales danser, on n'a pas la même vision que du Rom, oui, qui mendie et qui est dans l'état de pauvreté. Donc voilà, il y a cette dichotomie entre ces deux mondes. Et pourtant, la culture Rom est une culture très riche, une culture que l'on retrouve dans l'ensemble des pays de l'Est. Il n'y a pas un mariage au Kosovo sans qu'un mariage cher pour Kosovo sans qu'il y ait un musicien Rom, ou en Roumanie aussi. Donc ils font partie intégrante de la culture et de l'histoire finalement des sociétés européennes. Mais avec voilà, une image souvent négative. Si on parle de Marcel Campion, moi je parle de Marcel Campion qui est un manouche, qui a fait le centenaire de Django Reinhardt, une grande jazz figure manouche, aussi bien sûr. Reconnue en France, et souvent on nous dit mais non, c'est un forain, c'est pas un manouche, c'est pas un rom. Voilà, donc il y a du travail à faire sur la représentation des roms. Oui, donc il y a du travail sémantique d'abord. Sémantique, et aussi les médias, je pense qu'il faut absolument qu'on montre une image aussi plus positive, des reportages plus positifs sur l'apport des Roms dans nos sociétés. Mais c'est ce que nous faisons là, sans chercher oui, à être positif ou négatif, au moins dire qui ils sont, oui, d'où ils viennent, et aller à la rencontre oui, de la réalité. Oui, oui, et notamment l'interview de la Voix des Roms de Samir Millet à l'époque, c'était très intéressant, puisque c'est les Roms parlent pour eux. Et eux, ils sont investis politiquement dans ça, donc ça peut donner vraiment une image plus positive, en fait, que des micro-trottoirs sur les gens, c'est sûr. Avant d'arriver en France, je t'ai dit, il y a les micro-trottoirs, si on entend 6 opinions, ça n'engage qu'elle. Voilà. S'il faut jamais faire la confusion avec un sondage, c'est clair. Avant d'arriver en France, la famille de Leonarda est passée par l'Italie, la Serbie, la Croatie, l'Espagne. Une vie à se déplacer, donc, qui renvoie à l'appellation gens du voyage, à laquelle les Roms appartiennent administrativement en France, on l'a dit. Dans le cas de la famille de Leonarda, on a le sentiment que le voyage n'est pas culturel, il est contraint, hein, il change de pays, car on les renvoie de partout. C'est une idée reçue de penser que les Roms sont nomades par nature. Oui, c'est une idée reçue. Les Roms ne sont pas nomades. La figure de l'éternel errant du Rom, c'est une pure construction politique. Henriette Asséo avait montré que 80% des Roms n'avaient jamais bougé depuis le XVIe siècle. Dans les pays de l'Est, il n'y a pas de Roms nomades. Bien sûr, il y a des Roms qui ont des roulottes en bois de fortune qu'on peut croiser le long des routes en Roumanie, mais c'est la précarité qui fait qu'ils arrivent dans des habitats mobiles. En France, oui, on a une particularité qui sont les gens du voyage, mais c'est 100 000 personnes qui voyageraient encore en caravane, qui s'installeraient, et même, c'est-à-dire que c'est pas du nomadisme au sens des peuls, ils voyagent pour des raisons économiques, familiales, c'est ce que Jean-Baptiste Tumoy a appelé le polygone de vie. Donc c'est sur, si on prend ceux des Manouches de Vire, ils vont à Vire, ils vont à Épernay faire les vendanges en septembre-octobre, et l'été, ils vont comme nous, ils vont à la mer à Goncourt-Tinville. Voilà, c'est là un polygone de vie, ce n'est pas du nomadisme. Vous dites qu'ils sont 100 000 en France, après, ouais. On se base sur des chiffres qui datent depuis très très longtemps, Personne et Lamont, qu'en France, on aurait 400 000 gens du voyage, et dont un tiers serait encore des... pratiquerait, on va dire, un voyage ou une itinérance économique stable. Et comment 100 000 ou 400 000 personnes peuvent-ils générer des craintes pour 70 millions de personnes? 70 millions en France, quand même. C'est vrai qu'on fait couler beaucoup d'encre sur eux, surtout l'été, hein, puisque il y a beaucoup de reportages l'été sur les gens du voyage, ou au moment des élections municipales, il est vrai. Parce que ils fascinent en même temps. Ils ont toujours fasciné et en même temps, ils ont toujours été rejetés. C'est le paradoxe. Ouais. Et aussi, je pense que la société a besoin d'un bouc émissaire, de créer des boucs émissaires. Et comme c'est les plus fragiles, finalement, ils n'ont pas d'avocat, c'est ce que je disais, c'est un peuple de l'oral, c'est plus facile de les utiliser en tant que bouc émissaire. Y a-t-il vraiment entre toutes les communautés roms une identité commune, des valeurs, des modes de vie? Il y a des similitudes, et on l'a dit, mais peut-on vraiment désigner d'un seul terme les peuples qui vivent des réalités si diverses, finalement? Alors, il y a une revendication politique d'avoir l'unité du peuple rom, puisque certains leaders politiques, notamment Émile Choucas, en 2000, au congrès de Prague de l'Union Roumanie Internationale, avaient demandé la reconnaissance de la nation rom. Oui. Donc c'est une volonté positive, finalement, de montrer l'unité du peuple rom. Elle se base surtout sur la langue, puisqu'il y a une langue commune, Roumanie, il y a plus de 4 millions de locuteurs. Et elle se base aussi sur une histoire assez douloureuse, c'est vrai, faite de persécution. Et donc, la nation rom représenterait un moyen positif de faire respecter les droits des Roms dans l'ensemble des pays européens où l'ostracisme est global, et également d'avoir une valorisation, une reconnaissance de la langue. Ce serait une nation transnationale, pour le coup. Oui, ce serait une nation, c'est un peuple à territoire non compact, mais ouais, c'est un peuple qu'on retrouve, donc ils sont à plus de 12 millions en Europe, et c'est un peuple, oui, uni par cette histoire. Toute dernière question, le titre de votre livre s'appelle « Les Roms, une nation en devenir, point d'interrogation », ça renvoie à ce que vous venez de dire? Oui, ça renvoie à ce que je viens de dire, parce que l'ascension sociale notamment, ou l'ascension scolaire aussi dans les pays de l'Est, a permis une montée d'une, entre guillemets, j'aime pas ce mot, d'une élite rom qui revendique et qui se bat justement pour trouver une issue positive à son peuple et sortir de la victimisation finalement du peuple rom. Voilà, ce serait le devenir. Merci infiniment Morgane Garofaret. Merci. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Leonarda, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.